J'avais les idées vagabondes lorsque j'étais encore enfant. Je voulais parcourir le monde pour voir les îles sous le vent. La mer et toi, est-ce ma faute, étaient maîtresses de ma vie. J'ai suivi l'une et laissé l'autre. Le vent me gifle, le vent me gifle. Je reviens, Fanny. À courir après les mirages, on passe à côté du bonheur. Les temps ont tous même visage, dont un seul s'accroche à mon cœur. Il pleure derrière une porte, un gars qui emporte avec lui ses joies brisées, ses amours mortes. Le temps me griffe, le temps me griffe. Je reviens, Fanny. Ton Marius est sur la vague, ton Marius est sur le pont, qui rentre de son escapade avec toi pour seul horizon. Il vient sans fortune et sans gloire, au gré du vent qui le conduit, pour se fondre avec sa mémoire. La voile claque, la voile claque. Je reviens, Fanny. Adieu mes rêves d'aventure, au diable ma route sans but. Je voudrais panser mes blessures et retrouver le temps perdu, pour remonter jusqu'à la source de nos émois, de nos folies, et dans tes bras finir ma course. L'aube se lève, l'aube se lève. Je reviens, Fanny. Le monde n'a plus de surprise à m'offrir, et depuis longtemps la mer a perdu son emprise sur moi, et je suis l'amant. Que du souvenir qui s'invite à partager mes longues nuits, qui me déchire et qui m'agite. Le cœur me saigne, le cœur me saigne. Je reviens, Fanny. Ton Marius a soif de vivre, ton Marius a faim de toi. Il se libère, il se sent ivre, près du port ou loin de tes bras. Il s'est enfui cette nuit même, où tu lui offrais dans un cri ta jeunesse contre un je t'aime. L'amour me porte, l'amour me porte. Je reviens,